Réveille-toi, peuple de France, il faut sauver l'humanité. Redresse-toi, reprends confiance, un souffle d'espoir est passé. Dès demain que notre patrie ranime son flambeau, l'univers entier nous envie, écoutons les échos. C'est la voix du Front populaire, c'est le chant de la liberté. C'est l'appel de la France entière, pour l'union, la fraternité. Sur le chemin, le soleil brille, travailleurs, tendez-vous la main, pour briser les 200 familles et délivrer le genre humain. Rappelez-vous, 93, nos aînés se sont affranchis aux accents de la Marseillaise, ils ont sauvé notre pays. Arrêtons le danger qui passe, il faut être vainqueur. De nos aïeux suivant la trace, assemblons tous les cœurs. C'est la voix du Front populaire, c'est le chant de la liberté. C'est l'appel de la France entière, pour l'union, la fraternité. Sur le chemin, le soleil brille, travailleurs, tendez-vous la main, pour briser les 200 familles et délivrer le genre humain. Dans les cités et les campagnes, allons camarades à l'avant, pour nos foyers, pour nos compagnes et pour le pain de nos enfants. Car la classe laborieuse ardente a proclamé qu'elle veut une France heureuse en pleine égalité. C'est la voix du Front populaire, c'est le chant de la liberté. C'est l'appel de la France entière, pour l'union, la fraternité. Sur le chemin, le soleil brille, travailleurs, tendez-vous la main, pour briser les 200 familles